Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui une humoriste venue du Sud, Sofia Ben Yahia. Et comme elle vient de Nice, hein, je le dis avec l'accent niçois, Sofia Ben Yahia. Bonjour, alors je vais vous raconter ma galère d'humoriste. Hein. En gros, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu 2 semaines et demie pour écrire un nouveau sketch. Et puis j'ai pu le roder qu'une seule fois en fait parce qu'on est à Nice, hein, on n'est pas à Paris, donc on n'a pas des scènes tous les jours. Le jour où je l'ai rodé, c'était top, c'est super bien passé, j'ai eu des applaudissements, enfin c'est la folie. Donc 2 jours plus tard, je vais sur cette belle scène de Nice, je passe mon sketch rien ne se passe en fait. Il y a que moi qui passe mon sketch, c'est-à-dire que rien ne se passe d'autre, pas un son, pas un bruit, pas un rire, pas un soupir, même un éternuement, ça m'aurait soutenu, mais non, rien. Un bide dans les règles. Quoi. Un bide dans les règles de l'art, vraiment voilà. La définition du bide, voilà. Je pense qu'on pourrait me prendre comme exemple. On en a tous vécu et on en vivra encore. Voilà. Et puis 2 jours avant, en fait, un moment de mon sketch, ça applaudit. Et bêtement, en fait, je me suis attendue à ce que ça applaudisse aussi ce jour-là. Sauf qu'il m'est arrivé le truc le pire au monde, c'est-à-dire qu'il y a 2 femmes qui ont commencé à applaudir et ça n'a pas pris. Donc moi, je me suis arrêtée de parler pour laisser les gens applaudir parce qu'on ne coupe pas des applaudissements, hein, c'est tellement bon qu'on les coupe pas. Et sauf qu'en fait, y a eu un blanc, voilà. Et du coup, j'ai essayé de reprendre derrière et je me suis mise à réfléchir. Et à partir du moment où je me suis mise à réfléchir, ça a été mort. Ça arrive des fois, tous les humoristes connaissent ce truc-là, c'est que des fois t'as l'impression de sortir de ton propre corps. Ouais. Tu vois, et tu te vois jouer. Je me suis regardée. Tu te regardes jouer. Mmh. Moi, je me vois d'au-dessus, hein, ouais. Presque, tu vois. Ouais. Comme si mon fantôme planait au-dessus de moi et qui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Voilà, mais tout le monde. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige autant de stress et de honte? Parce que sur le coup, j'avais vraiment honte, alors que ça arrive à des gens très bien. Prendre un bide, en fait, c'est vraiment le genre de truc qui fait le plus mal possible. Ouais. Et par contre, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense, c'est parce que derrière, t'auras tellement la rage et tu vas tellement vouloir te rattraper que la prochaine scène, en général, tu vois, la scène après un bide, en général, tu déchires. C'est clair. Et du coup, tu c'est te dis, ce qui s'est passé. Et ben voilà. Et du coup, tu te dis, ah, mais c'est pour ça que je le fais. Voilà, exactement. Donc, voilà. Mais voilà. Donc ça a été un beau bide. Et le seul avantage que j'ai eu à ce bide, enfin, le jour même, après j'ai appris, mais le jour même, c'est que j'ai pas eu de surprise quant au résultat. Hein, c'est que je savais que j'avais plus d'espoir. Ça finit en détente, quoi. Voilà, je me suis dit, allez, c'est pas grave. Voilà. Ok. Bon, ben merci Sofia d'avoir partagé ce moment avec nous. Hein. Comme je te disais, voilà, on en a déjà tous vécu et on en vivra tous encore. Hein. C'est la dure loi de la scène. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, il faut que je me fasse une page YouTube. Uh-huh. Hein, ce serait intéressant. D'accord. Parce que j'ai des vidéos, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Je te les communiquerai. Avec plaisir. On partagera avec grand plaisir. Et voilà. Et sinon. Mais sinon sur Facebook peut-être. Sinon sur Facebook, Sofia Ben Yahia. Alors prenez de quoi noter, hein, parce que ça s'écrit pas comme ça se prononce. C'est Sofia avec PH, comme Sofia Loren. Comme Sofia Loren, voilà. Exactement. Et Ben Yahia, ça s'écrit BenYahia. Voilà. Mais écoute, avec grand plaisir, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Sofia Ben Yahia, merci beaucoup d'être venue et d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi. Merci. Et donc, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous me retrouvez également sur les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Humoriste, non pas PH, pas moi. Non. Sofiane, donc Sofiane Humoriste sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast. Bis à tous, même à toi là-bas.